Section 7 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er. Chapitre 2, deuxième partie, l'invasion, par André Berthelot. Les Huns et les Goths. L'invasion des barbares, commencée à la fin du IVe siècle, finit par l'établissement d'un certain nombre de royaumes barbares sur le sol de l'Empire romain et par la chute de l'Empire d'Occident. On peut lui assigner comme dates extrêmes 376, date de l'entrée pacifique des Goths dans l'Empire, et 526, date de la mort de Théodoric, le plus illustre des fondateurs de royautés barbares. Épuisés par leur lutte séculaire contre l'Empire, divisés par la politique romaine, les Germains eussent difficilement porté un coup décisif à ceux qu'ils considéraient à peine comme des adversaires. Ils furent poussés contre les Romains par un mouvement venu du fond de l'Asie. Ils entrèrent dans l'Empire presque autant comme fugitifs que comme envahisseurs parce qu'ils reculaient devant les Huns. Les Huns étaient un peuple appartenant à la race ouralo-altaïque. Ils avaient fait partie d'un empire dont le grand Khan avait quasi asservi les Chinois. Cet empire tomba en dissolution. Et sous la dynastie chinoise des Han, au 1er et au 2e siècle, passa presque tout entier sous la domination chinoise. Les Huns se tournèrent vers l'Occident. Les Huns s'arrêtèrent dans les vallées de l'Igaxart et de l'Oxus. Ce sont les Huns blancs qui renoncèrent à la vie nomade. Les autres allèrent jusqu'au Volga et pendant longtemps vécurent en pêcheurs, pasteurs et brigands dans les steppes, le long de ce fleuve énorme, descendant en hiver vers l'embouchure, remontant en été jusqu'à la Kama. Au IVe siècle, ils paraissent avoir reçu du nord et de l'est de l'Asie une poussée. Ils tombent alors sur les Alains, qui vivaient de la vie nomade, entre le Don et le Volga, adorant l'épée nue plantée en terre, scalpant le vaincu. Les Alains furent battus. Une partie s'enfuit dans le Caucase, où sont encore leurs descendants. D'autres, au nord de la Baltique, où ils se joindront plus tard aux migrations germaniques. Le reste fut incorporé aux Huns qui atteignirent ainsi le Don. Ils se trouvèrent en face des Goths. Ceux-ci avaient fondé un vaste empire, à liens très lâches, bien entendu, comme les monarchies barbares. Hermanaric, de la famille des Amales, roi des Ostrogoths, s'était subordonné les rois des Visigoths, de la famille des Baltes. Il exerçait une sorte de suzeraineté sur les Yaziges, les Vandales, les Gépides, établis en partie dans l'ancienne Dacie, sur les Hérules, sur les Cires, les Vandes et les Haïstiens des bords de la Baltique, sur les Alains et les Roxolans des steppes du Midi. Le christianisme chez les Goths, l'arianisme. Les Goths, ainsi superposés à un chaos de peuples germains, sarmates, slaves, finnois, avaient déjà subi à distance les influences civilisatrices de l'Empire. L'un d'eux, Ulfilas, Vulfilas ou Wolfen, le petit loup, né vers 311, avait traduit pour eux la Bible, et comme leur langue était trop pauvre, il avait emprunté des mots à la langue grecque, de même qu'avec l'alphabet grec, il compléta l'alphabet gothique. Le seul livre de la Bible qu'il ne traduisit pas, ce fut les Rois, craignant, dit-on, d'exciter encore leur ardeur belliqueuse. Il leur prêcha le christianisme, et en 341 se fit sacrer à Constantinople leur évêque. Mais en même temps que le christianisme, il leur apportait l'hérésie arienne, alors en faveur à la cour impériale. Il leur inocula ainsi le virus dont devaient périr tous les États qu'ils fondèrent plus tard en Occident. C'est un fait très remarquable que les peuples barbares aient été presque tous à l'arianisme et qu'ils y aient persévéré si longtemps. Or, l'arianisme n'allait à rien moins qu'à nier la divinité de la religion, en niant la divinité du Christ. Le fond de la doctrine d'Arius, c'est que le Père seul est incréé, agenetos, que c'est là le caractère de l'être divin, la condition de l'unité divine. Le Fils ne peut être incréé comme le Père, sun agenetos. Son essence est hors de lui, elle procède de celle du Père, elle n'est pas cette essence. Il est une créature, poiema, mais la première manifestée avant tout autre. Il y a eu un temps où il n'existait pas. Il aurait pu, absolument parlant, prendre part au mal. Mais il a fait un tel usage de la liberté et de la grâce qu'il s'est de plus en plus divinisé et que Dieu l'a honoré des noms de fils de Dieu et de logos, mais sans qu'il devienne pour cela l'égal de son père sans être éternel comme lui, puisque Dieu n'a pas été éternellement père et ne l'est devenu que dans le temps. Cette doctrine plus simple, plus rationnelle, plus intelligible que la théologie catholique avec ses mystères, fut aussi plus accessible aux barbares qui l'adoptèrent. Du coup, ils vécurent en dehors de la hiérarchie ecclésiastique du catholicisme. Chez eux, le clergé chrétien, à peine distinct du reste de la nation, n'avait ni grand bien ni grande dignité. De telle sorte que la vie laïque, comme on dirait aujourd'hui, était chez eux le principal, au lieu que chez les Romains c'était la vie ecclésiastique. De là un désaccord très profond. Première invasion des Goths dans l'Empire d'Orient. Le roi Hermanaric venait d'échapper blessé à une révolte des Roxolans quand survint l'attaque des Huns. Désespérant de la victoire, il s'acheva lui-même d'un coup d'épée. Vitimer, son successeur, livra bataille. Il fut tué, les Ostrogoths complètement défaits. Quelques fidèles emportèrent son fils encore enfant jusqu'au bord du Dniester, où les Visigoths avaient leur camp entouré de chariots. Athanaric et ses deux frères, Fridigern et Ablavius, y commandaient. Athanaric voulait combattre. Mais les Huns ayant passé le Dniester la nuit, il dut se réfugier entre le Prut et le Danube, où il se fortifia. Fridigern et Ablavius demandèrent asile à l'Empire. Valens régnait alors en Orient, son neveu Gratien en Occident. Valens reçut à Antioche l'ambassade des Goths suppliant, implorant secours contre la faim et contre les Huns, demandant une place dans l'Empire, promettant la soumission et le service aux frontières. Valens consentit, les Goths étant à rien comme lui. Il leur imposa de sévères conditions, entre autres celle de déposer leurs armes. Ils éludèrent cet article en payant les officiers romains chargés de surveiller le passage et au nombre de 200 000 hommes armés avec leurs femmes et leurs enfants passèrent en Mésie, 376. Opprimés et exploités par les fonctionnaires romains, ils ne tardèrent pas à se révolter. À Marcianopolis, en 377, ils bâtirent Lupicinus. À Andrinople, en 378, Valens périt en les combattant. Les Goths exterminèrent les deux tiers de l'armée romaine, arrivèrent jusqu'aux portes de Constantinople. Du bas Danube aux Alpes juliennes, ils ravagèrent si bien le pays qu'ils n'y laissèrent subsister, dit un père de l'Église, que le ciel et la terre. Gratien appela au trône d'Orient Théodose, le dernier des vrais empereurs romains. Les Goths se débandaient d'eux-mêmes, morcelés en petits groupes. Ce n'étaient plus que des bandes de brigands, s'affaiblissant par leurs propres ravages. Théodose négocia avec les chefs. Il gagna Athanaric, qui avait fini par passer aussi le Danube, l'attira à Constantinople, dont le luxe éblouit les barbares, et lui fit après sa mort de splendides funérailles. 381. Les Ostrogoths qui avaient rejoint Fridigern, continuant leurs ravages sur le bas Danube, il les extermina. Ainsi finit la guerre des Goths. Théodose établit ce qui restait sur les deux rives du Bosphore et de l'Hellespont, en Phrygie, en Lydie, en Thrace. Ils vécurent sous leurs princes, gardant leurs coutumes dans la condition de fédérés, fédérati. Ils avaient ce qu'ils demandaient, des terres. Séparation des deux empires. Après une double intervention en Occident, Théodose, vengeur de Gratien et de Valentinien II, vainqueur des usurpateurs Maxime, 388, et Eugène, soutenu par le franc Arbogast, 394, règne 4 mois sur tout l'Empire, Occident et Orient, réunis. Il meurt après l'avoir partagé de nouveau entre ses fils Arcadius, qui a 19 ans, Honorius, qui en a 11, 395. C'est à cette date qu'on est convenu d'arrêter l'histoire romaine et de commencer l'histoire du Moyen-Âge. Arcadius avait une sorte de premier ministre dans la personne de Rufin, un Aquitain qui avait gagné par sa piété la faveur de Théodose. Auprès d'Honorius était Stilicon, un vandale, soldat et homme d'État. Ces deux hommes devinrent rivaux. Rufin provoqua une révolte des Visigoths afin d'avoir une occasion de rappeler les troupes d'Orient, qui, depuis la guerre contre Eugène et Arbogast, séjournaient en Occident. Stilicon renvoya les troupes, après s'être entendu avec Gaïnas, le chef des Goths auxiliaires. Celui-ci, arrivé sous Constantinople, tua Rufin sous les yeux d'Arcadius, novembre 395. mais les Visigoths étaient en mouvement. La seconde invasion, les Visigoths, Alaric. Alaric, leur chef, traverse la Macédoine, la Thessalie, passe les Thermopyles, entre en Béotie, en Attique, tuant les hommes, emmenant les femmes et le bétail, brûlant les villages, épargnant les villes quand elles se rachètent, comme Athènes. Il pénètre dans le Péloponnèse, y exerce les mêmes ravages, pille Corinthe, Argos, Sparte. Nulle résistance. Alors, d'Occident, Stilicon vient débarquer avec une armée sur les bords du golfe de Corinthe. En Élide, il bloque Alaric, au mont Pholoé, fait couler le Péné dans les fossés dont il a enveloppé l'armée des Visigoths, et attend la capitulation. Alaric s'échappe pendant que son ennemi est à Olympie. Il regagne l'Épire, et conclusion très inattendue, Arcadius, furieux de se voir ainsi défendu par Stilicon, nomme Alaric maître de la milice de l'Illyrie occidentale, c'est-à-dire qu'il l'installe, avec délégation de l'autorité impériale, dans une province d'où il peut également menacer les deux empires, où il peut appeler les Goths disséminés et puiser légalement dans les arsenaux de l'Empire. 397. Quant à Stilicon, qui avait espéré devenir régent des deux empires, il est déclaré ennemi public, ses biens sont confisqués. L'eunuque Eutrope règne par Eudoxie. De retour en Occident, Stilicon, après avoir réprimé en Afrique un usurpateur, croit assurer à jamais son crédit en faisant épouser à Honorius sa fille Marie, 398. Il y eut alors, ce qui était bien rare, 4 années de tranquillité. C'est le temps qu'il fallait à Alaric pour préparer la conquête de l'Italie. Tous les Goths l'y poussaient. En 402, il passe les Alpes juliennes, envahit l'Istrie, la Vénétie, menace Milan, d'où s'enfuit l'empereur, qu'il poursuit investi dans Asti. Stilicon est allé en Gaule. Il en a ramené les légions, qu'il remplace par des troupes rappelées de Bretagne. Il débloque Asti, attaque Alaric le jour de Pâques à Pollentia, le bat complètement, le coupe du chemin de Rome, le refoule vers le nord, traite avec lui, le fait espionner, l'empêche de prendre Vérone, le rejette en Illyrie et vient triompher à Rome. On y vit alors le combat de gladiateurs, où fut massacré le moine Télémaque, qui était descendu dans l'arène pour s'opposer à ce jeu sanglant. Le martyr eut gain de cause, car ce fut le dernier combat de gladiateurs, 403. Honorius s'organise dans Ravenne, en Asile Sûre, d'où il ne sortira plus, 404. Invasion de Radagaise en Italie. En l'année 405, on apprit qu'une terrible invasion s'approchait. Autour d'un chef de guerre du nom de Radagast ou Radagaise s'étaient groupés des Vandales, des Burgondes, des Suèves, des Germains de toutes nations, poussés soit par quelque mouvement des uns, soit tout simplement par l'amour du pillage. Jusqu'alors, on n'avait subi que le contre-coup de l'invasion, jetant dans l'Empire un peuple vassal qui s'est révolté. Les vrais destructeurs arrivent avec le féroce Radagaise. Les Romains sont terrifiés. Les hordes barbares passent entre Ravenne, où est l'empereur, et Asti, où est Stilicon. Elles assiègent Florence. Stilicon, avec une armée d'esclaves et de barbares, cerne les pillards sur les rochers de Fésule. Radagaise, obligé de se rendre, est décapité. Stilicon prend une partie des barbares à sa solde, en vend une foule d'autres comme esclaves. La grande invasion. Alaric, en Occident. Sac de Rome. L'Italie était délivrée, mais le 31 décembre 406, une nouvelle cohue de barbares passe le Rhin. Elle culbute les Francs qui gardent le fleuve et se répand dans la Gaule. Cette malheureuse contrée est dévastée 2 années durant. Mayence, Worms, Spire, Strasbourg sont détruits. Arras, Thérouanne, Amiens, Tournai, Reims voient successivement les barbares, puis toutes les cités jusqu'aux Pyrénées. Aucune résistance, aucun secours ne vient d'Italie. Un usurpateur, arrivé de l'île de Bretagne, Constantin, essaie de profiter de l'anarchie. 407. Honorius le reconnaît comme empereur, un autre, Maxime, est proclamé en Espagne. Il y appelle les barbares. Il n'y avait plus de Gaule romaine, l'Italie était devenue frontière. En Italie, Stilicon venait de disparaître. Il paraît avoir eu de grands projets. Sauver l'Empire par les barbares ? Rétablir l'unité ? Arcadius était mort, laissant pour successeur un enfant de 8 ans, Théodose II, 408. Stilicon négociait avec Alaric, auquel il payait depuis longtemps une sorte de tribut. Il l'avait fait nommer préfet de toute l'Illyrie, dont la moitié était à conquérir sur l'Empire d'Orient. Stilicon voulait-il porter au trône son fils, Eucher, comme on l'en accusa ? Obtenir la régence des deux empires ? On ne sait. Il avait traité avec Alaric. Les hommes d'État d'Honorius trouvèrent la chose honteuse. Lampridius déclara qu'on entrait en servitude. Olympius parla de l'honneur de Rome. Tous représentèrent à Honorius qu'il avait 25 ans, qu'il était le maître, ou du moins qu'il fallait le devenir. On fait un complot, on assassine les principaux chefs goths et Stilicon lui-même, 408. On exclut les Ariens des fonctions publiques. On déclare à Alaric que le traité conclu ne serait pas exécuté. C'était une folie. Le roi des Visigoths reparut en Italie. Dédaignant Ravenne, il marcha sur Rome. La cité impériale était encore prospère. Une nombreuse population s'y pressait, autour de centaines de palais. D'immenses richesses y étaient entassées. Ses murs, même défendus par des esclaves et des affranchis, suffirent pour arrêter les barbares. Alaric se contenta d'investir la ville. On pria, on fit des sortilèges. Vint la famine, on mangea des cadavres. On attendait une armée de secours, mais il n'y en avait plus. On députa vers Alaric, voulant l'effrayer de la masse des Romains. Il répondit, plus l'herbe est serrée, mieux la faux y mord. Il demanda du poivre, de l'argent, de l'or. Pour payer cette rançon, on fondit des statues, entre autres celle du courage. Alaric se retira pour un temps. Il alla en Toscane et engagea des négociations avec Honorius. Il voulait être maître de la milice. Refus. Il demanda la Dalmatie, le Norique et la Vénétie. Refus. Le Norique seul. Refus. La cour de Ravenne ne veut pas s'abaisser à traiter avec des barbares. Alaric retourne sur Rome. 409. Il vient y créer un empereur et force le Sénat à décorer de ce titre le préfet de la ville, Attal, auquel il demande le titre de maître de la milice. Attal le lui confère et nomme chef des gardes du palais, Atolf, beau-frère d'Alaric. Après quoi le roi goth et son empereur se rendent devant Ravenne. Le chef goth Sarus, ennemi personnel d'Alaric et d'Atolf, défend la ville et y retient l'empereur qui voulait partir pour Constantinople. Alaric demande alors à Attal la permission d'aller exercer ses fonctions de maître de la milice en Afrique. Attal refuse. Alaric mécontent le dégrade et envoie les insignes impériaux à Honorius en signe de réconciliation. Honorius ne voulant pas se réconcilier, Alaric marche une troisième fois sur Rome. Des esclaves lui ouvrent une porte le 24 août 410. Le pillage dura 6 jours, pendant lesquels on n'épargna que les églises et le trésor des apôtres, qui, au milieu de scènes horribles, fut porté au chant des psaumes au Vatican. Alaric passa ensuite en Campanie, pilla Capoue et Nola. Ce fut une vraie orgie. Les barbares s'étendaient sous les platanes et pendant de longues heures se faisaient verser du falerne dans des coupes d'or par les fils et les filles des sénateurs romains. On suppose qu'Alaric voulait passer en Afrique après avoir visité la Sicile. Il mourut avant d'avoir passé le détroit de Messine. Il avait 34 ans. Pour l'enterrer, on détourna le cours du Bucento. On descendit le cercueil et le trésor du roi dans le lit desséché. On y ramena l'eau. Puis on égorgea les prisonniers qui avaient fait le travail. Atolf et Valia, roi des Visigoths. Ce terrible barbare avait été malgré lui un ennemi de l'Empire. Ce fut de propos délibéré qu'Atolf, son successeur, en fut le serviteur. Paul Rose a raconté une conversation que ce roi aurait tenue à Narbonne. Atolf avait d'abord voulu changer la face du monde, effacer le nom de Rome, et comme César fondait un empire qui aurait été celui des Goths. Mais l'expérience lui ayant montré que les Goths étaient incapables de supporter le joug des lois et d'une discipline, il a mis sa gloire à faire servir leur épée à la restauration de l'empire. En effet, Honorius décida à traiter avec le successeur d'Alaric. Atolf reçut le titre de maître de la milice et fut envoyé au-delà des Alpes pour combattre les barbares de Gaule et d'Espagne. 412. Après 2 années de pillage, l'invasion s'était écoulée. 409. Seuls les Burgondes étaient restés en Gaule. Le reste des barbares avait passé en Espagne, Suève en Galice, Alain en Lusitanie, Vandale en Andalousie. Atolf s'empara de tout le pays entre le Rhône, la Garonne et les Pyrénées. Il avait emmené avec lui Placidie, la fille de Théodose, prisonnière depuis le siège de Rome, traitée avec de grands égards par les Goths. Il était amoureux d'elle et Placidie consentit en 414 à l'épouser. Le mariage fut célébré à Narbonne. Atolf se revêtit de l'habit romain. Le premier rang appartenait à Placidie, assise sur un lit impérial. 50 beaux jeunes hommes esclaves lui apportèrent 50 bassins remplis d'or et de pierreries. Attal entonna l'épithalame. Ainsi, un roi goth venu de la Scythie épousait à Narbonne Placidie, son esclave, fille de Théodose et sœur d'Honorius, et lui donnait en présent de noces les dépouilles de Rome. À ces fêtes dansait et chantait un Romain que les barbares faisaient histrion comme ils l'avaient fait empereur. À cette époque, quelques usurpateurs s'élevèrent et disparurent vite. Atolf en abattit 2 autres, Jovien et son frère Sébastien. Son mariage brouilla de nouveau les choses. Constance, vaillant général, devenu le premier personnage de la cour de Ravenne, aurait voulu épouser la fille de Théodose. Après le mariage, il provoqua une rupture entre Honorius et Atolf, qui refit Attal empereur. Constance vint assiéger celui-ci dans Narbonne. Le pauvre Attal fut saisi au moment où il fuyait vers l'Espagne. On le conduisit à Ravenne, où on le promena en triomphe pour se moquer de lui. Puis on l'envoya aux îles Liparie, où on le laissa achever sa vie avec une petite pension. Atolf meurt assassiné en Espagne. Valia, qui lui succède, veut aller piller l'Afrique, mais Constance le force à rentrer au service de l'Empire. Les textes parlent d'ailleurs du roi Wisigoth comme d'un humble serviteur de Rome. Valia rendit Placidie, qui épousa Constance. Il se donna carrière en Espagne. Pendant 3 ans, il fit une guerre acharnée aux Vandales, aux Alains, qu'il extermina, aux Suèves, qu'il rejeta dans les montagnes du Nord-Ouest. En récompense, il reçut l'Aquitaine, avec Toulouse pour capitale, 419. Déjà, les Burgondes s'organisaient sur le sol romain. Occupant les 2 revers du Jura, ils s'étendaient peu à peu sur toute la vallée du Rhône jusqu'à la Durance. Les Francs ont dépassé l'Escaut. Les Alamans atteignent les Vosges. Burgondes et Wisigoths avaient été régulièrement casés. Constance procédait avec ordre au démembrement de l'Empire et sauvait les apparences. Il paraissait continuer la grande politique romaine. En même temps, il occupait les points stratégiques des Alpes et du Rhône pour empêcher les communications entre les barbares. Il essayait même des institutions nouvelles et réunissait à Arles les députés de la Gaule romaine pour discuter les impôts. Il était trop tard. Constance mourut en 421, Honorius en 423. Le fils de Théodose avait vu sous son long principat de 395 à 423 une de ces tempêtes comme il y en a peu dans les annales du monde. Il la vit sans y rien comprendre, conservant le langage et les illusions d'un maître du monde. Il avait auprès de lui un homme capable de retarder la chute de l'Empire. Il le fait assassiner. Il négocie avec Alaric, en maître dédaigneux. Si quelques reflets d'une pâle gloire éclairent ce règne, c'est à Stilicon et à Constance qu'il le doit. Le successeur d'Honorius était son neveu Théodose II, qui régnait déjà à Constantinople. Gouverné par sa sœur Pulchérie, ce jeune prince était très doux, ne voulant pas de condamnation à mort, calligraphiant, chantant matines, disputant contre les hérétiques, pendant que Doxie mettait la Bible en vers. Cet empire vécut ainsi de longues années. Les catastrophes se limitaient à l'Occident. Quand mourut Honorius, Placidie et son fils Valentinien étaient à Constantinople. Théodose II envoya celui-ci à Ravenne pour régner en Occident sous le nom de Valentinien III. Placidie eut sa tutelle. Les 2 principaux personnages furent Aetius et Boniface. Aetius, fils d'un comte d'Afrique, ayant été otage chez les Huns et les Wisigoths, connaissait bien le monde barbare. Boniface était comte et administrait l'Afrique. Les Vandales en Afrique. Jaloux de Boniface, Aetius, pour le perdre, mène une double intrigue. Il le fait calomnier auprès de Placidie et avertir d'autre part qu'il est perdu. Désespéré, Boniface appelle les Vandales et leur roi, Genséric. Aussitôt, ses auxiliaires se font conquérants. Les indigènes, les hérétiques, sont avec eux. Malgré la défense d'Hippone, où est Saint-Augustin, l'Afrique est perdue. 431. Boniface passe en Europe, bat Aetius, mais est tué. 432. Genséric poursuit la conquête. En 439, il prend Carthage. Dès lors, tirant parti de la situation, il se fait une flotte et attaque les îles. C'est un curieux personnage que ce Genséric. Il semble faire exception au milieu des barbares qui presque toujours cherchaient à s'accommoder avec l'Empire et se faisaient serviteurs avant d'être usurpateurs. C'est un révolté. Il s'est établi par la force. Mais une fois vainqueur, il veut à plusieurs reprises entrer dans la communauté de l'Empire. Un traité de 435 lui cède les deux Mauritanies. En 442, en 453, en 476, nouveau traité qui consacre les acquisitions faites. Réfléchissant sur les vicissitudes des choses humaines et pensant que ses forces n'étaient pas comparables à celles des Romains, Genséric s'oblige à payer un tribut à Valentinien III et lui donne en otage son fils, Hunéric. En même temps, il prenait ses précautions et pour se mettre en garde contre les deux empires, il entrait en relation avec les Huns. Aetius et Attila. Aetius, qui avait été banni en 431, revint en 432 avec une armée. Il fut le bienvenu. Il reprit le rôle de Stilicon et de Constance. Il déploya une grande activité. Il rappela aux Burgondes leurs conditions de fédérés, les châtia quand ils se soulevèrent. Les Francs, ayant passé la Somme, il les refoula au nord. Sa politique était de maintenir ses peuples séparément dans la vassalité romaine et de les coaliser sous les ordres de Rome contre de nouveaux ennemis. Les Huns ne s'étaient pas arrêtés au Dinster. Ils avaient avancé jusqu'au Danube, mais on ne les avait pas vus comme ennemis dans l'Empire parce qu'ils étaient divisés et que par fraction ils entraient au service des Romains ou des rois barbares. L'union vint avec Rona ou Rugilas, qui mit sa capitale en Pannonie et de là, négociant avec Ravenne et Constantinople, menaça les deux empires. Théodose II lui conféra les dignités romaines et lui paya un tribut de 350 livres. Rona mourut en 435. Ses deux neveux, Bléda et Attila, fils de Mandzouk, lui succédèrent. Attila se débarrassa de Bléda par un assassinat. 445. La plus curieuse partie de l'histoire d'Attila n'est pas celle que l'on raconte. C'est dans la formation de son empire qu'il a déployé le plus de force et d'habileté. Car, après avoir groupé autour de lui toutes les tribus uniques, il s'est attaché par les liens d'un service personnel tous les peuples germains ou autres, du Volga au Rhin. Outre les Ostrogoths et les Gépides, il a des Thuringiens, des Hérules, des Rugiens à son service. C'est avec les Huns et ses vassaux d'Occident que, franchissant le Caucase par les défilés de Bakou, il va ravager les provinces asiatiques de l'Empire d'Orient, faire la guerre en Arménie, en Syrie, sur l'Euphrate et le Tigre, où il menace les Perses. À partir de 441, il se tourne contre l'Europe et l'Empire d'Orient. Les lignes du Danube sont forcées. L'évêque de Margus livre sa ville. L'invasion hunnique, détruisant tout sur son passage, se déchaîne sur la Thrace et la Macédoine et arrive jusqu'à quelques milles de Constantinople. Il fallut traiter, payer une forte contribution de guerre, 6 000 pièces d'or, s'engager à un tribut de 2 100 pièces d'or, rendre les Huns captifs, payer la rançon des prisonniers romains. 443. Chaque année, Attila énonce de nouvelles prétentions. Théodose II n'a pas un moment de repos. À chaque instant, des attaques et des ambassades. En 447, Attila ravage de nouveau la Thrace. Il faut lui céder la rive droite du Danube, de Singidunum à Naissus. À propos de l'exécution de ce traité, il faut de nouvelles ambassades. On envoyait à Attila les hommes les plus éloquents, par exemple le rhéteur Priscus. Nous avons le récit de son ambassade, et c'est surtout par Priscus que nous connaissons Attila. Il ne faut pas s'imaginer que ce fût une bête sauvage. Il a fait une impression de terreur qui a trompé. Les contemporains nous ont laissé un portrait de lui. Il parle de sa poitrine large, de sa tête énorme, presque imberbe, de ses petits yeux ardents, de son nez écrasé, de son teint basané, de sa couronne de fer rouillé. Il lui prête des mots. « Je suis le fléau de Dieu, le marteau de l'univers. Où mon cheval a passé, l'herbe ne repousse pas. » Priscus fait bien voir ce qu'est cette barbarie. Il a vu en Pannonie, près de la ville moderne de Tokae, le village royal. Au milieu, le palais en bois, entouré de petits bâtiments en bois pour les femmes et les serviteurs. Toutes les maisons sont en bois et chaume. C'est encore le camp barbare. Les bains seuls sont en pierre, bâtis par un architecte romain. Dans cette capitale, on déploie un grand luxe, tout comme à Constantinople et à Ravenne, luxe qui provient du pillage. Dans les maisons des grands et des femmes d'Attila, on voit les plus beaux tapis, de la vaisselle d'or et d'argent, des perles, jusque sur les harnais et les souliers. En revanche, le roi mange dans de la vaisselle de bois, et il est habillé comme un pâtre royal. Les siens le vénèrent plus encore qu'ils ne le craignent. Les femmes et les jeunes filles le saluent par des cantiques. Quand il est là, point d'orgie. Il permet pourtant qu'on rie, mais veut qu'on chante la gloire des ancêtres. Ses femmes l'entourent, puis ses enfants, les plus grands, placés selon l'âge, les petits sur ses genoux. En temps de paix, il rend la justice et reçoit des ambassadeurs. C'est un justicier sévère, mais point inexorable, aux suppliants. Avec les ambassadeurs, il est très prudent, très méfiant, mais très scrupuleux observateur du droit des gens. Il n'a commis aucune violence contre les personnes, même quand l'eunuque Chrysaphius de Constantinople tenta de le faire assassiner. Il s'est contenté d'envoyer à Constantinople deux ambassadeurs qui, parlant à Théodose II, l'appelèrent « vil esclave ». Avec Attila est donc porté à la perfection cet empire asiatique, rappelant un peu l'empire mongol du XIIIe siècle. Si différent d'un empire européen, composé de tribus uniques comme centre, flanqué de peuples vaincus, tenus par leurs otages, par la terreur, par la part au butin. Un empire qui ressemble à une grande association de brigands. Le gouvernement est très simple, les groupes vivent selon la coutume. En cas de conflit, le chef suprême juge. Ce chef donne les ordres pour les expéditions. Cet empire est fondé sur la force brutale. Point d'autre dieu qu'une épée, qu'un pâtre, a dit-on, trouvé dans le gazon. Point d'autre politique que la ruse. Tout cela très primitif et par conséquent peu solide. Après avoir hésité entre l'Orient et l'Occident, c'est contre l'Occident qu'Attila se dirige. Soit parce que Marcien, choisi par Pulchérie en 450 pour succéder à Théodose II, sait se rendre redoutable au roi des Huns, auquel il refuse de l'or et promet du fer, soit parce qu'il veut aller châtier les Visigoths qu'il considérait comme des rebelles, soit parce que Jean Séric, qui craignait avec raison Aétius, l'a décidé à se tourner vers la Gaule. Il trouva un curieux prétexte. Valentinien III avait une sœur du nom d'Honoria. On avait résolu, afin d'éviter une compétition possible à l'Empire, qu'elle ne se marierait pas. En dédommagement, on lui avait donné le titre d'Augusta. Or, Honoria voulait absolument se marier. Elle épouse son chambellan, Eugène, et l'empereur la relègue dans un monastère à Constantinople. De là, elle envoie par un fidèle eunuque son anneau à Attila, lui disant qu'elle est sa fiancée et sera son épouse. Sur cette nouvelle, on la rappelle à Ravenne. On lui fait épouser un officier sans importance, puis on l'enferme. Attila la réclame et avec elle, sa dot. Attila franchit le Rhin à la tête d'une armée formidable. On a parlé de 600 000 guerriers. La Belgique fut ravagée, mais Orléans arrêta les barbares. Et Aétius accourut à la tête d'une armée formée de Visigoths, de Francs et de Burgondes. Les Huns se retirèrent et subirent une grande défaite dans les champs cataloniques, 451. Dans la joie du succès, on évalua leurs pertes à des chiffres fantastiques. en 452, Attila descendit en Italie. Aquilée fut ruinée. Presque toutes les villes de la vallée du Pô furent détruites. Aetius ne crut pas pouvoir risquer une bataille. Une ambassade où se trouvaient le pape Léon et le sénateur Avienus vint trouver Attila. Elle le décida à la retraite par ses prières et ses présents. D'ailleurs, il voyait la peste dans son armée et savait les armements de Martien. Il menaçait de revenir chercher Honorien. À son retour, il mourut en Pannonie, 453. Aussitôt, son empire se démembra. À la bataille livrée en 454, auprès de la Nétade, en Pannonie, et où périt Héla, fils d'Attila, les peuples germaniques et slaves, parmi eux les Ostrogoths et les Gépides, regagnèrent leur indépendance. Il y eut alors comme une nouvelle répartition de peuples. En Dacie, les Gépides. En Pannonie, les Ostrogoths. À l'est de ceux-ci, au nord des montagnes, les Hérules, les Rugiens, les Cires, les Turcilinges. Au nord-ouest, les Lombards, en Moravie et Silésie. Quant aux Huns, chassés du Danube, ils échouèrent dans une expédition contre l'Empire d'Orient. Ce qui restait d'eux alla se perdre dans la vallée du Volga parmi les Bulgares, les Avars, les Khazars. Anarchie dans l'Empire. L'Empire n'était pas sauvé. C'était pour eux qu'avaient vaincu les Francs, les Burgondes, les Visigoths. Il faut ajouter que depuis les premières années du Ve siècle, l'île de Bretagne est abandonnée à elle-même. En 449, les premiers Saxons ont débarqué à Thanet. D'ailleurs, l'Empire semble se livrer. Aetius est assassiné par Valentinien III, 454. L'anarchie est complète. Les barbares de Dalmatie se déclarent indépendants. Aegidius, en Gaule, prend des francs à sa solde. À Rome, ce n'est qu'intrigues et désordres. Valentinien III déshonore la femme du sénateur Maxime qui le fait massacrer. Le meurtrier, non content d'occuper le trône, force Eudoxie, la veuve de Valentinien, à l'épouser. Eudoxie appelle Genséric en Italie. La flotte vandale arrive devant Ostie. La populace romaine égorge Maxime. Le pape Léon est député auprès de Genséric. Le roi lui promet de ne pas mettre le feu à la ville et de ne pas tuer. Mais pendant 14 jours, il pille en vandale. Les dépouilles de Rome sont rapportées à Carthage, 455. Pendant 20 ans encore, Genséric sera le maître de la Méditerranée, fera trembler les Romains, brûlant ou dispersant les flottes envoyées contre lui et survivant à l'Empire d'Occident, car il ne mourra qu'en 477. En Italie, l'Empire d'Occident s'affaissa par sa propre impuissance. Le Suève Ricimer, maître de la milice, accepta comme empereur le rhéteur Avitus, que son disciple Théodoric II, roi des Visigoths, avait fait proclamer à Arles. Avitus ne régna pas longtemps. Il abdiqua et demanda un évêché. Son successeur, Majorien, 457, fit de vains efforts pour rétablir la discipline, pour combattre les Alamans et les Vandales. Ricimer avertit Genséric et fit assassiner Majorien, 461. Il proclama Sévère III. La cour orientale lui ayant envoyé à la place d'Anthemius, il l'accepta et lui fit épouser sa fille. Alliance peu heureuse, car Anthemius tomba sous les coups de son beau-père et leur querelle amena un nouveau pillage de Rome. Genséric fit alors un empereur, Olybrius. Ricimer étant mort, Olybrius disparaît. Puis on proclame successivement Glycerius, Julius Nepos, envoyé d'Orient. Oreste, l'ancien secrétaire d'Attila. Oreste fait empereur son propre fils, Romulus Augustulé, enfant de 6 ans. Les mercenaires veulent partager l'Italie comme d'autres barbares ont fait en Gaule. Ils demandent un tiers des terres. Oreste, qui refuse, est battu et tué. Romulus est confiné dans une villa. Il n'y a plus d'empereur à Rome. Odoacre. Odoacre, Odovacar, chef des mercenaires, renvoie les insignes impériaux à Constantinople, 476, et demande à l'empereur Zénon le droit d'administrer l'Italie et le titre de patrice. L'Empire subsistait donc. Constantinople était capitale et Zénon se croyait si bien le maître de l'Italie que bientôt il y enverra Théodoric. L'opinion que l'Empire dure encore n'est point particulière aux empereurs. C'est aussi celle des barbares. Clovis sera très honoré quand il recevra les insignes de Patrice. Et parmi ses successeurs, il en est qui traiteront encore les empereurs en souverains. Au milieu du VIe siècle, Jornandès constate que Rome, qui avait conquis le monde, le possède encore idéalement. La loi romaine subsiste. Le souvenir des institutions politiques reste vivant. Le personnel romain lui-même est toujours là. À Toulouse, Ravenne, Lyon, Vienne, Genève, à Paris, les rois barbares deviendront forcément à demi romains. Il nous reste maintenant à voir quelles furent les destinées des principaux royaumes fondés par les barbares dans l'Empire. Celui d'Odoacre dura peu malgré les talents de son fondateur. Odoacre, rugien d'origine, était venu en Italie avec une de ses troupes qui s'y rendait pour prendre du service. C'était un beau géant à grandes moustaches. Il entra en 474 dans la garde palatine et prit bientôt sur ses camarades, les mercenaires germains, l'influence qui, lors de leur révolte, assura sa fortune. Devenu roi, il donna aux mercenaires un tiers des terres. Mais il respecta les lois impériales, le Sénat, et confia, sans y rien changer, l'administration aux fonctionnaires romains. Arien, il ne persécuta pas les catholiques. C'est par le Sénat qu'Odoacre fit demander à Zénon de lui confier le gouvernement de l'Italie avec le titre de patrice. Zénon, qui recevait en même temps les ambassadeurs de Népos, le dernier empereur régulier, répondit au Sénat en lui rappelant que tant que Népos vivra, il sera souverain légitime. C'est à lui qu'il faut demander pour Odoacre le titre de patrice. Dans la lettre que Zénon écrit à celui-ci pour lui signifier ses volontés, il loue la façon dont Odoacre a gouverné en respectant les lois romaines, et dans cette même lettre, il le traite de patrice. Toute la politique byzantine est dans cette correspondance. Pour personne un refus, avec personne un engagement. Odoacre n'est point reconnu, Théodoric ne le sera pas non plus. Beaucoup plus tard, les empereurs allemands, qui solliciteront à leur tour, ne le seront pas davantage. Mais toujours cette reconnaissance sera sollicitée comme elle l'est par Odoacre. Le titre de patrice que souhaitait celui-ci ne confère pas d'autorité définie. Ce qui fait cette dignité supérieure aux autres, c'est qu'elle est viagère. Aucune attribution spéciale, mais des insignes superbes. Singulière dignité qu'Odoacre avait sans la voir, si bien que lui-même ne sait pas à quoi s'en tenir sur son autorité. Il n'est pas roi d'Italie, mais roi tout court, roi des barbares, mais non pas d'un peuple barbare, roi d'une armée composée d'éléments différents et qui est devenu par son établissement sur les terres italiennes une sorte de peuple nouveau. Il fut, sous la suzeraineté de Constantinople, une sorte de protecteur militaire de l'Italie. Pour la défendre, il soumit la Dalmatie et attaqua les Rugiens, qui s'étaient étendus sur la Drave et la Save, menaçant la frontière. Il détruisit leur empire avec l'aide des peuples voisins, Hérule, Cire, Turcilinge, 487. Ce fut précisément cette victoire qui fut une des occasions de sa perte. Frédéric, fils du roi des Rugiens, Féléteus, emmené en captivité par Odoacre, se sauva chez les Ostrogoths et demanda à Théodoric, son parent, de le venger. Fin de la section 7.